السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الحمد لله، se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le deuxième cours sur l'explication de Juz Tabarak. Bienvenue à tous. Nous avions vu dans le premier cours, pour ceux qui n'étaient pas là, que Surat al-Mulk, qui est aussi appelée Surat Tabarak, a de nombreux mérites. Elle intercède envers la personne qui la lit, qui la médite et qui la met en pratique. Et c'est aussi une cause pour la protection contre le châtiment de la tombe, comme il est venu dans les hadiths authentiques. Nous avons vu aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé cette noble sourate en faisant ses éloges et sa glorification. Et que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la mort et la vie. Pour quel but ? Pour éprouver et pour tester qui de vous est meilleur en œuvre. Qui de vous est meilleur en œuvre? On avait vu que c'est l'œuvre qui remplit les deux conditions, qui sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que l'œuvre soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit y avoir ces deux conditions. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sept cieux superposés, et tout cela parfaitement, sans faille, sans défaut. Et il défie celui qui il veut trouver un défaut ou une quelconque faille ne pourrait le trouver. Et qu'il serait frustré, faible et épuisé, car il n'a pu trouver une quelconque faille. Alors à ce moment-là, il est obligatoire de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et de l'adorer d'une véritable adoration. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite a mentionné les bénéfices de la création des cieux et des étoiles. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles, des lampes. Donc c'est un embellissement. Et c'est aussi, comme nous l'avons mentionné dans un autre verset, c'est aussi une orientation et une guidée pour les créatures, afin qu'ils soient guidés dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont donc des signes pour les voyageurs. Ils cheminent à travers ces étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne le troisième bénéfice quand il dit « Nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. » C'est donc une protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour lapider les diables qui veulent écouter et voler les informations et les nouvelles du ciel. Voici les bienfaits et les profits de la création de ces étoiles. Et c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui administre et gère l'univers. Tout est entre ses mains et il n'a pas d'associé. Et ceux qui ont mécru à Allah subhanahu wa ta'ala auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Quand il a dit « وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ » Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et à chaque fois qu'un groupe y sera jeté, ses gardiens, les anges, les gardiens de l'enfer, demanderont أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Et c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître. Ils vont dire قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ. Ils dirent, mais si, un avertisseur nous était venu. C'est-à-dire les messagers. فَكَذَّبْنَا. Mais nous avons crié au mensonge. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Et avons dit, Allah n'a rien fait descendre. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Naam. Donc on s'était arrêté là. On continue, inshallah ta'ala, l'explication de cette noble sourate. Dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. وَقَالُوا. Et ils dirent, c'est-à-dire le groupe jeté en enfer, ils diront aux anges, gardiens de l'enfer, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. Si nous avions, dans la vie d'ici-bas, écouté ou raisonné, c'est-à-dire si nous avions tiré profit de nos raisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyées, et si nous avions écouté en acceptant ce qu'Allah a fait descendre comme vérité, en suivant la guidée et en œuvrant, nous n'aurions pas mécru en Allah. Ma kunna fi ashab al-sa'ir. Et nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Nous ne serions pas aujourd'hui parmi les gens de l'enfer. Ils se sont donc privés des voies de la guidée. Cette guidée qui est l'écoute. L'écoute de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Et ce avec quoi sont venus les messagers. Et cette guidée est aussi la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée, qui fait profiter la personne. Et qu'elle lui facilite vers la réalité des choses. Et l'incitation au bien. Et l'éloignement du mal et de tout ce qui pourrait amener à une fin mauvaise. Mais eux n'avaient ni la raison et ni l'écoute. Ils n'ont ni écouté et ni raisonné. À l'inverse des gens de la certitude. Ahlul yaqin, ahlul iman, les gens de la foi et de la connaissance. Certes, eux ont renforcé leur foi par l'épreuve auditive. Et ils ont écouté ce qui est venu d'Allah et de ses messagers. En ayant la science, la connaissance et la pratique. Et ils ont aussi renforcé leur foi par les preuves rationnelles, les preuves logiques, qui leur permettent de distinguer entre la guidée et l'égarement, entre le bon et le mauvais, et entre le bien et le mal. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui favorise par ses faveurs qui il veut parmi ses serviteurs, et qui avilit, qui avilit celui qui n'est pas digne du bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, au sujet de ces groupes qui rentreront en enfer, qui reconnaissent leur injustice et leur entêtement, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. C'est-à-dire, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent leur péché au moment où cela n'est plus bénéfique. C'est trop tard. que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. C'est-à-dire qu'ils soient, ces gens de l'enfer, à jamais éloignés, dans la perdition, et qu'ils soient dans le malheur. Il n'y a pas plus malheureux et plus anéanti, de sorte qu'ils ont manqué la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se sépareront jamais de la fournaise qui les brûlera dans leur corps et montera jusqu'à leur cœur. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, après avoir mentionné la situation des malheureux, la situation des mécréants, il mentionna l'état des bienheureux et des vertueux. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. Inna alladhina yakhshawna rabbahum, ceux qui redoutent, c'est-à-dire les croyants, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'adorent comme il se doit. La crainte fait partie des plus grandes adorations. Ils redoutent leur Seigneur, yakhshawna rabbahum bil ghaib, dans toute leur situation. Bil ghaib ici, c'est-à-dire quand les gens ne les voient pas. Ils lui obéissent. Ils le redoutent, qu'il soit devant les gens ou qu'il soit caché, seul. Ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala les observe. Ils agissent de la même manière dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient en public ou en secret. Et cela prouve la force de leur foi et la véracité de leur certitude, car ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala où qu'ils soient. Et ceci est le contraire de celui qui manifeste la crainte en public, mais lorsqu'il est tout seul, il ne le craint pas. Il oublie qu'Allah l'observe, mais se préoccupe plutôt par le regard des gens. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Les Femmes, verset 108, « Yastaghfuna minan nas, wa la yastaghfuna min Allah, wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. » Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne se cachent pas à se cacher, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas, et Allah ne cesse de cerner ce qu'ils font. Fin du verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme et nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette parmi les gens qui le redoutent constamment. Et il a été dit aussi dans l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit « Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib » Bil ghaib ici, c'est-à-dire ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne l'aient jamais vu. C'est-à-dire qu'ils redoutent Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorent, même s'ils ne l'ont pas vu dans cette vie d'ici-bas. « Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir » Ils auront un pardon et une grande récompense. Ils auront un pardon pour leurs péchés. Car les croyants font des péchés. Et ceux qui le redoutent aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Il les protège du mal de leurs péchés. Et il les préserve du châtiment de l'enfer. Ils auront une grande récompense. Quelle est cette récompense? C'est-à-dire ce qu'Allah leur a préparé au paradis. Parmi les délices éternels, un grand royaume et des plaisirs continuels, ainsi que des palais et des demeures élevées, des houris, des serviteurs et beaucoup d'autres récompenses. Mais plus grand que cela et meilleur, la satisfaction du tout miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux habitants du paradis. Qu'Allah nous mette parmi eux. Ceci est la plus grande récompense. La satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le voir au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il s'adresse aux mécréants. Il dit wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati as-sudur. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez, il connaît bien le contenu des poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe dans ce verset l'immensité de sa science et la globalité de sa subtilité. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous cachiez votre parole ou la divulguiez. C'est-à-dire, tout ce qui est caché ou apparent, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Tout est pareil pour lui. Car vraiment rien ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. Comme Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché et ce qui est divulgué, il entend aussi tout ce qui apparaît parmi les sons. Innahu alimun bidhati sudur. Il connaît bien le contenu des poitrines. C'est-à-dire qu'il connaît tout ce qui se trouve dans les poitrines parmi les intentions et les volontés. Il connaît ce qu'il y a dans ta poitrine et dans ton âme, même si tu ne parles pas. Que dire alors des paroles et des actes qui sont audibles et visibles? Ceci donc implique, oblige la personne à avoir peur et à craindre son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne par la suite les preuves argumentatives du Coran et les preuves logiques sur sa science parfaite, et cela à travers ses preuves pour réfuter les mécréants et les associateurs. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement ses créatures, ce qu'il y a dans leur poitrine et dans leur cœur, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Celui qui a créé la création et l'a parfaitement et harmonieusement façonnée, comment ne peut-il pas la connaître? Wa huwa al-latif al-khabir, c'est lui le compatissant ou le subtil et parfaitement connaisseur. C'est-à-dire celui dont la science et la connaissance sont subtiles jusqu'à percevoir les secrets et ce qu'il y a dans le fort intérieur, les choses cachées et les pensées les plus intimes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Taha, verset 7: Wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets même les plus cachés. Allah subhanahu wa ta'ala est latif. Al-latif, c'est-à-dire que rien ne se cache d'Allah. Quoi qu'il se passe dans cet univers, que ce soit les choses apparentes ou cachées, que ce soit clair ou pas pour les gens, certes Allah subhanahu wa ta'ala perçoit ces choses. Et parmi les sens du nom d'Allah, al-latif aussi, c'est au sens ar-ra'ouf, c'est-à-dire le compatissant envers ses serviteurs. Il est compatissant envers ses serviteurs, il est miséricordieux. Wa huwa al-khabir, al-khabir est parfaitement connaisseur, c'est-à-dire parfaitement connaisseur de toutes choses. Rien ne se cache d'Allah parmi ses créatures, dans la terre ou dans la mer, la plus subtile et la plus grande, ce qui est apparent et caché. Plutôt, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, nous les créatures, mais Allah subhanahu wa ta'ala, certes, lui les voit et les connaît. Wa huwa al-latiful khabir. Et Allah mentionne ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ensuite une preuve. Il dit: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ses grandes étendues et mangez de ce qu'il vous a fourni. Vers lui et la résurrection. هُوَ الَّذِي نعم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. C'est lui qui vous a soumis la terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a soumis cette terre qui est ferme, stable, hein, qui ne bouge pas. Cette terre sur laquelle vous marchez, sur laquelle vous dormez et vous habitez, sous laquelle les morts sont enterrés. Allah subhanahu wa ta'ala l'a assujetti pour vos intérêts, afin que vous obteniez tout ce que vous avez besoin comme plantation, édifice, culture et des routes qui vous permettent d'atteindre les régions isolées et les pays vastes. Famshu fi manakibiha. Parcourez donc ces grandes étendues. Pour quel but? Pour rechercher la subsistance et les profits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyés. Et sachez que vos efforts ne sera pas profitable, excepté si Allah vous facilite. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset: Wa kulu min rizqi. et mangez de ce qu'il vous fournit. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé pour vous, qui l'a répandu sur cette terre et l'a réparti. Où que tu vas, la subsistance est devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a répandu ses subsistances. C'est lui qui a déterminé ses nourritures. Tu ne trouveras pas une région sans qu'il n'y soit subsistance, sans qu'une subsistance y soit présente. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ Et mangez de ce qu'il vous fournit. Car vous ne pouvez marcher sur cette terre sans nourriture et boisson. Où que tu te diriges, tu trouves de la nourriture et de la boisson. Et ceci fait partie de la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. De sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas restreint la subsistance dans un endroit précis de la terre. Et ceci est un grand bienfait. وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ Vers lui et la résurrection. C'est-à-dire, après votre passage dans cette vie d'ici-bas, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette demeure une épreuve, comme on l'a vu dans les premiers versets, لِيَبْلُوَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا Il a fait de cette demeure une épreuve et un endroit de passage vers l'au-delà. Où que vous soyez enterrés dans cette terre, vous serez ressuscités après votre mort. Et vous serez rassemblés devant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous rétribue pour vos bonnes et mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset suivant, il menace et met en garde les mécréants d'un châtiment terrible. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَهِذَا هِيَ تَمُورُ Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous enfouisse, c'est-à-dire vous engloutisse dans la terre, et voici qu'elle tremble. Ceci est une menace, est un avertissement pour celui qui persiste dans sa transgression, dans son injustice et dans sa désobéissance, qui implique le supplice et la venue d'un châtiment, wal'iyadu billah. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَهِذَا هِيَ تَمُرْ Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, fils sama, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, est au-dessus de ses serviteurs. Et écoutez bien, Inch'Allah, que ce verset et celui d'après est une preuve parmi les preuves de l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures. Car Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Un yarsifa bikumul ard, vous enfouisse en la terre, dans la terre, c'est-à-dire vous engloutisse. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné la terre et ce qu'elle contient comme stabilité et profit, il a effrayé les serviteurs. Qu'il les engloutisse par la terre, comme il a englouti Qarun et le peuple de Lot et autres peuples. Car sachez que l'engloutissement de la terre, qu'Allah nous en préserve, est un châtiment terrible dans cette vie d'ici-bas. Il se multiplie lorsque se multiplie le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, et la mécréance, et les péchés, plus particulièrement à la fin des temps. Un châtiment d'Allah terrible. Et tu vois, subhanallah wa ta'ala, aujourd'hui, de tes propres yeux se produire ces engloutissements, à droite et à gauche, qui détruisent les peuples. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, فَهِذَا هِيَ تَمُورُ Et voici qu'elle tremble. C'est-à-dire, elle s'agite et elle bouge après qu'elle ait été stable. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendue stable et il l'a fait bouger. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela. Il est capable de toute chose. Car celui qui l'a stabilisée est certes capable de l'agiter et de la faire trembler. En dessous de vos pieds. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate les bestiaux verset 65 قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allah subhanahu wa ta'ala dit il est capable lui de susciter contre vous d'en haut ou de dessous vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme, et il vous fait goûter l'ardeur les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets, peut-être comprendront-ils. Wallahu al-musta'an. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut appeler au secours. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite dans le verset suivant, et ceci est une autre menace et une mise en garde. Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir. Où êtes-vous à l'abri? Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. C'est-à-dire, ici, quand il dit « Et où êtes-vous à l'abri que celui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala qui est au ciel, au-dessus de ses créatures, envoie contre vous un ouragan de pierre, c'est un châtiment du ciel. C'est un vent dévastateur qui porte des pierres, un vent, wallahu al-musta'an, qui lance des pierres sur vous et qui vous détruit. Comme il s'est produit pour le peuple de Had et le peuple des Ahzab, des coalisés, le peuple de Lot et les peuples des gens de l'éléphant, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Fil, l'éléphant, et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile. Qu'Allah nous en préserve. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. C'est-à-dire, vous saurez à ce moment-là la véracité de mon avertissement. Vous saurez comment arrivera ce contre quoi les messagers et les livres vous ont averti. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri vis-à-vis d'Allah et qu'il vous châtie par un châtiment de la terre et du ciel. Ne pensez pas que si le châtiment n'est pas encore tombé sur vous, cela vous est bénéfique. Bien au contraire. Vous trouverez quoi qu'il arrive la conséquence de vos actes, que ce soit tôt ou tard. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle ici ensuite aux mécréants de Quraysh, ceux qui se sont entêtés et opposés au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'ont traité de menteur, et qui l'ont combattu. Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle qu'ils encourent ce qu'ont encouru les peuples précédents, ceux qui ont traité de mensonges, les messagers, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Qasas, verset 58, كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance? Et voilà qu'après eux, leurs demeures ne sont que très peu habitées. Et c'est nous qui en fûmes l'héritier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat les fourmis, An-Naml, verset 52, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Voilà donc leur maison déserte à cause de leurs méfaits. C'est bien là un avertissement pour des gens qui savent. Fin du verset. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il dit ensuite dans le verset 18 de cette noble sourate, sourate al-Mulk, il dit ensuite, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors ma réprobation? C'est-à-dire, certes, ceux qui vous ont précédés ont traité de mensonges comme vous l'avez fait. Allah les a détruits. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait hâter le châtiment, a précipité le châtiment dans la vie d'ici-bas avant celui de l'au-delà. Prenez garde qu'il ne vous atteigne pas ce qu'il leur a atteint comme châtiment et destruction. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. N'ont-ils pas vu les oiseaux au-dessus d'eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour? Seul le tout miséricordieux les soutient, car il est sur toute chose clairvoyant. Et ceci est une preuve parmi les preuves rationnelles du Coran. C'est une incitation à observer la situation des oiseaux qu'Allah a créés et assujettit pour eux l'air et l'atmosphère, où ils déploient leurs ailes pour voler et les reploient pour se poser. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, seul le tout miséricordieux les soutient. Car c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a assujetti pour eux l'espace, l'air et l'atmosphère, et qui a fait en sorte de par leur corps et leur forme qu'ils volent. Allah subhanahu wa ta'ala les soutient seul par son pouvoir et sa gérance. Ils ne se soutiennent pas tout seuls. Subhanallah. Allah il dit dans surat An-Nahl, dans les abeilles, verset 79, « Alam yaraw ila at-tayri musakharatin fi jawi as-samaa ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. » N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Fin du verset. C'est-à-dire qu'il y a bien là un rappel pour ceux qui se rappellent et une leçon pour ceux qui réfléchissent. Donc celui qui observe et médite sur l'état et la situation des oiseaux, la création des oiseaux, cela certes lui prouvera le pouvoir du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et sa bienveillance envers ses serviteurs. Et cela lui prouvera aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique. Il est Allah l'unique, celui qui mérite seul l'adoration. Il n'a pas d'associé. Et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Subhanallah. Il faut méditer sur cela. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. Car il est sur toute chose clairvoyant. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe parfaitement ses oiseaux et leurs mouvements et leur quiétude dans l'atmosphère. Rien ne se cache d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne pense pas que les oiseaux sont juste des créatures créées en vain sans but. Ne pense pas cela. Ne pense pas qu'on ne tire pas de leçons dans leur création et qu'on ne prend pas en compte ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces preuves qui prouvent son pouvoir parfait, et que lui seul mérite l'adoration, et que certes les divinités en dehors de lui sont des créatures qui ne créent pas, et qui ne pourvoient pas, et qui ne gèrent rien du tout. C'est une preuve, comme on dit, burhanun aqliyun, c'est une preuve rationnelle, clair, qui prouve l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَفْوَنِ, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ. Inch'Allah ta'ala, on continuera l'explication, barakallahu fikum, à partir de ce verset, le verset 20, à partir de la semaine prochaine, à la même heure, inshallah ta'ala, barakallahu fikum, wa jazakum khayran, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.